Génie du christianisme de François-René de Chateaubriand. Première partie. Dogmes et doctrines. Livre 1. Mystères et sacrements. Chapitre 1er. Introduction. Depuis que le christianisme apparut sur la terre, trois espèces d'ennemis l'ont constamment attaqué. Les hérésiarques, les sophistes et ces hommes, en apparence frivoles, qui détruisent tout en riant. De nombreux apologistes ont victorieusement répondu aux subtilités et aux mensonges. Mais ils ont été moins heureux contre la dérision. Saint Ignace d'Antioche, Saint Irénée, évêque de Lyon, Tertullien, dans son traité des prescriptions, que Bossuet appelle divin, combattirent les novateurs dont les interprétations superbes corrompaient la simplicité de la foi. La calomnie fut repoussée d'abord par Cadra et Aristide, philosophes d'Athènes. On ne connaît rien de leurs apologies, or un fragment de la première conservé par Eusèbe. Saint Jérôme et l'évêque de Césarée parlent de la seconde comme d'un chef-d'œuvre. Les païens reprochaient aux fidèles l'athéisme, l'inceste et certains repas abominables où l'on mangeait, disait-on, la chair d'un enfant nouveau-né. Saint Justin plaida la cause des chrétiens après Cadra et Aristide. Son style est sans ornement et les actes de son martyr prouvent qu'il versa son sang pour sa religion avec la même simplicité qu'il écrivit pour elle. Athénagore a mis plus d'esprit dans sa défense, mais il n'a ni la manière originale de Justin ni l'impétuosité de l'auteur de l'apologétique. Tertullien est le Bossuet africain et barbare. Théophile, dans les trois livres à son ami Autolique, montre de l'imagination et du savoir. Et l'Octave, de Minucius Félix, présente le beau tableau d'un chrétien et de deux idolâtres qui s'entretiennent de la religion et de la nature de Dieu en se promenant au bord de la mer. Arnob, le rhéteur, Lactance, Eusèbe, Saint Cyprien ont aussi défendu le christianisme, mais ils se sont moins attachés à en relever la beauté qu'à développer les absurdités de l'idolâtrie. Origène combattit les sophistes. Il semble avoir eu l'avantage de l'érudition, du raisonnement et du style, sur Cels, son adversaire. Le grec d'Origène est singulièrement doux. Il est cependant mêlé d'hébraïsmes et de tours étrangers, comme il arrive assez souvent aux écrivains qui possèdent plusieurs langues. L'Église, sous l'empereur Julien, fut exposée à une persécution du caractère le plus dangereux. On n'employa pas la violence contre les chrétiens, mais on leur prodigua le mépris. On commença par dépouiller les autels. On défendit ensuite aux fidèles d'enseigner et d'étudier les lettres. Mais l'empereur, sentant l'avantage des institutions chrétiennes, voulut, en les abolissant, les imiter. Il fonda des hôpitaux et des monastères, et, à l'instar du culte évangélique, il essaya d'unir la morale à la religion, en faisant prononcer des espèces de sermons dans les temples. Les sophistes, dont Julien était environné, se déchaînèrent contre le christianisme. Julien même ne dédaigna pas de se mesurer avec les Galiléens. L'ouvrage qu'il écrivit contre eux ne nous est pas parvenu. Mais saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, en cite des fragments dans la réfutation qu'il en a faite et que nous avons encore. Lorsque Julien est sérieux, saint Cyrille triomphe du philosophe. Mais lorsque l'empereur a recours à l'ironie, le patriarche perd ses avantages. Le style de Julien est vif, animé, spirituel. Saint Cyrille s'emporte, il est bizarre, obscur et contourné. Depuis Julien jusqu'à Luther, l'Église, dans toute sa force, n'eut plus besoin d'apologistes. Quand le schisme d'Occident se forma, avec les nouveaux ennemis, parurent de nouveaux défenseurs. Il le faut avouer, les protestants eurent d'abord la supériorité sur les catholiques, du moins par les formes, comme le remarque Montesquieu. Erasme même fut faible contre Luther, et Théodore de Bèze eut une légèreté de style qui manqua trop souvent à ses adversaires. Mais, lorsque Bossuet descendit dans la carrière, la victoire ne demeura pas longtemps indécise. L'hydre de l'hérésie fut de nouveau terrassée. L'histoire des variations et l'exposition de la doctrine catholique sont deux chefs-d'œuvre qui passeront à la postérité. Il est naturel que le schisme mène à l'incrédulité et que l'athéisme suive l'hérésie. Bayle et Spinoza s'élevèrent après Calvin. Ils trouvèrent dans Clarke et Leibniz deux génies capables de réfuter leurs sophismes. Abadie écrivit en faveur de la religion une apologie remarquable par la méthode et le raisonnement. Malheureusement, le style en est faible, quoique les pensées n'y manquent pas d'un certain éclat. Si les philosophes anciens, dit Abadie, adoraient les vertus, ce n'était après tout qu'une belle idolâtrie. Tandis que l'Église triomphait encore, déjà Voltaire faisait renaître la persécution de Julien. Il eut l'art funeste, chez un peuple capricieux et aimable, de rendre l'incrédulité à la mode. Il enrôla tous les amours-propres dans cette ligue insensée. La religion fut attaquée avec toutes les armes, depuis le pamphlet jusqu'à l'in-folio, depuis l'épigramme jusqu'au sophisme. Un livre religieux, paraissait-il, l'auteur était à l'instant couvert de ridicule. Tandis qu'on portait au nu des ouvrages dont Voltaire était le premier à se moquer avec ses amis. Il était si supérieur à ses disciples qu'il ne pouvait s'empêcher de rire quelquefois de leur enthousiasme irréligieux. Cependant, le système destructeur allait s'étendant sur la France. Il s'établissait dans ces académies de province qui ont été autant de foyers de mauvais goût et de factions. Des femmes de la société, de graves philosophes, avaient leur chair d'incrédulité. Enfin, il fut reconnu que le christianisme n'était qu'un système barbare, dont la chute ne pouvait arriver trop tôt pour la liberté des hommes, le progrès des Lumières, les douceurs de la vie et l'élégance des arts. Sans parler de l'abîme où ces principes nous ont plongés, les conséquences immédiates de cette haine contre l'Évangile furent un retour plus affecté que sincère vers ces dieux de Rome et de la Grèce, auxquels on attribua les miracles de l'Antiquité. On ne fut point honteux de regretter ce culte, qui ne faisait du genre humain qu'un troupeau d'insensés, d'impudiques ou de bêtes féroces. On dut nécessairement arriver de là au mépris des écrivains du siècle de Louis XIV, qui ne s'élevèrent toutefois à une si haute perfection que parce qu'ils furent religieux. Si l'on n'osa pas les heurter de front à cause de l'autorité de leur renommée, on les attaqua d'une manière indirecte. On fit entendre qu'ils avaient été secrètement incrédules, ou que du moins ils fussent devenus de bien plus grands hommes s'ils avaient vécu de nos jours. Chaque auteur bénit son destin de l'avoir fait naître dans le beau siècle des Diderot et des D'Alembert. Dans ce siècle où les documents de la sagesse humaine étaient rangés par ordre alphabétique dans l'encyclopédie, cette Babel des sciences et de la raison. Des hommes d'une grande doctrine et d'un esprit distingué essayèrent de s'opposer à ce torrent, mais leur résistance fut inutile. Leur voix se perdit dans la foule et leur victoire fut ignorée d'un monde frivole qui cependant dirigeait la France et que, par cette raison, il était nécessaire de toucher. Ainsi, cette fatalité qui avait fait triompher les sophistes sous Julien se déclara pour eux dans notre siècle. Les défenseurs des chrétiens tombèrent dans une faute qui les avait déjà perdus. Ils ne s'aperçurent pas qu'il ne s'agissait plus de discuter tel ou tel dogme, puisqu'on rejetait absolument les bases. En parlant de la mission de Jésus-Christ et remontant de conséquence en conséquence, ils établissaient sans doute fort solidement les vérités de la foi. Mais cette manière d'argumenter, bonne au XVIIe siècle, lorsque le fond n'était point contesté, ne valait plus rien de nos jours. Il fallait prendre la route contraire, passer de l'effet à la cause, ne pas prouver que le christianisme est excellent parce qu'il vient de Dieu, mais qu'il vient de Dieu parce qu'il est excellent. C'était encore une autre erreur que de s'attacher à répondre sérieusement à des sophistes. Espèce d'hommes qu'il est impossible de convaincre, parce qu'ils ont toujours tort. On oubliait qu'ils ne cherchent jamais de bonne foi la vérité et qu'ils ne sont même attachés à leur système qu'en raison du bruit qu'il fait, prêts à en changer demain avec l'opinion. Pour n'avoir pas fait cette remarque, on perdit beaucoup de temps et de travail. Ce n'étaient pas les sophistes qu'il fallait réconcilier à la religion, c'était le monde qu'ils égaraient. On l'avait réduit en lui disant que le christianisme était un culte né du sein de la barbarie, absurde dans ses dogmes, ridicule dans ses cérémonies, ennemi des arts et des lettres, de la raison et de la beauté. Un culte qui n'avait fait que verser le sang, enchaîner les hommes et retarder le bonheur et les lumières du genre humain. On devait donc chercher à prouver au contraire que de toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres, que le monde moderne lui doit tout, depuis l'agriculture jusqu'aux sciences abstraites, depuis les hospices pour les malheureux jusqu'aux temples bâtis par Michel-Ange et décorés par Raphaël. On devait montrer qu'il n'y a rien de plus divin que sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte. On devait dire qu'elle favorise le génie, épure le goût, développe les passions vertueuses, donne de la vigueur à la pensée, offre des formes nobles à l'écrivain et des moules parfaits à l'artiste. Qu'il n'y a point de honte à croire avec Newton et Bossuet, Pascal et Racine. Enfin, il fallait appeler tous les enchantements de l'imagination et tous les intérêts du cœur au secours de cette même religion contre laquelle on les avait armés. Ici, le lecteur voit notre ouvrage. Les autres genres d'apologie sont épuisés, et peut-être seraient-ils inutiles aujourd'hui. Qui est-ce qui lirait maintenant un ouvrage de théologie? Quelques hommes pieux qui n'ont pas besoin d'être convaincus, quelques vrais chrétiens déjà persuadés. Mais n'y a-t-il pas de danger à envisager la religion sous un jour purement humain? Et pourquoi? Notre religion craint-elle la lumière? Une grande preuve de sa céleste origine, c'est qu'elle souffre l'examen le plus sévère et le plus minutieux de la raison. Veut-on qu'on nous fasse éternellement le reproche de cacher nos dogmes dans une nuit sainte, de peur qu'on en découvre la fausseté? Le christianisme sera-t-il moins vrai quand il paraîtra plus beau? Bannissons une frayeur pusillanime. Par excès de religion, ne laissons pas la religion périr. Nous ne sommes plus dans le temps où il était bon de dire « croyez et n'examinez pas ». On examinera, malgré nous. Et notre silence timide, en augmentant le triomphe des incrédules, diminuera le nombre des fidèles. Il est temps qu'on sache enfin à quoi se réduisent ces reproches d'absurdité, de grossièreté, de petitesse, qu'on fait tous les jours au christianisme. Il est temps de montrer que, loin de rapetisser la pensée, il se prête merveilleusement aux élans de l'âme et peut enchanter l'esprit aussi divinement que les dieux de Virgile et d'Homère. Nos raisons auront du moins cet avantage qu'elles seront à la portée de tout le monde et qu'il ne faudra qu'un bon sens pour en juger. On néglige peut-être un peu trop, dans les ouvrages de ce genre, de parler la langue de ses lecteurs. Il faut être docteur avec le docteur et poète avec le poète. Dieu ne défend pas les routes fleuries quand elles servent à revenir à lui. Et ce n'est pas toujours par les sentiers rudes et sublimes de la montagne que la brebis égarée retourne au bercail. Nous osons croire que cette manière d'envisager le christianisme présente des rapports peu connus. Sublime par l'antiquité de ses souvenirs, qui remonte au berceau du monde, ineffable dans ses mystères, adorable dans ses sacrements, intéressant dans son histoire, céleste dans sa morale, riche et charmant dans ses pompes, il réclame toutes les sortes de tableaux. Voulez-vous le suivre dans la poésie? Le Tasse, Milton, Corneille, Racine, Voltaire vous retracent ses miracles. Dans les belles lettres, l'éloquence, l'histoire, la philosophie, que n'ont point fait par son inspiration Bossuet, Fénelon, Massillon, Bourdaloue, Bacon, Pascal, Euler, Newton, Leibniz. Dans les arts, que de chefs-d'œuvre! Si vous l'examinez dans son culte, que de choses ne vous disent point et ses vieilles églises gothiques, et ses prières admirables, et ses superbes cérémonies. Parmi son clergé, voyez tous ces hommes qui vous ont transmis la langue et les ouvrages de Rome et de la Grèce, tous ces solitaires de la Thébaïde, tous ces lieux de refuge pour les infortunés, tous ces missionnaires à la Chine, au Canada, au Paraguay, sans oublier les ordres militaires d'où va naître la chevalerie. Mœurs de nos aïeux, peinture des anciens jours, poésie, roman même, chose secrète de la vie, nous avons tout fait servir à notre cause. Nous demandons des sourires au berceau et des pleurs à la tombe. Tantôt, avec le moine maronite, nous habitons les sommets du Carmel et du Liban. Tantôt, avec la fille de la charité, nous veillons au lit du malade. Ici, deux époux américains nous appellent au fond de leur désert. Là, nous entendons gémir la Vierge dans les solitudes du cloître. Homère vient se placer auprès de Milton, Virgile à côté du Tasse. Les ruines de Memphis et d'Athènes contrastent avec les ruines des monuments chrétiens, les tombeaux d'Ossian avec nos cimetières de campagne. À Saint-Denis, nous visitons la cendre des rois. Et quand notre sujet nous force de parler du dogme de l'existence de Dieu, nous cherchons seulement nos preuves dans les merveilles de la nature. Enfin, nous essayons de frapper au cœur de l'incrédule de toutes les manières. Mais nous n'osons nous flatter de posséder cette verge miraculeuse de la religion qui fait jaillir du rocher les sources d'eau vive. Quatre parties, divisées chacune en six livres, composent notre ouvrage. La première traite des dogmes et de la doctrine. La seconde et la troisième renferment la poétique du christianisme, ou les rapports de cette religion avec la poésie, la littérature et les arts. La quatrième contient le culte, c'est-à-dire tout ce qui concerne les cérémonies de l'Église et tout ce qui regarde le clergé séculier et régulier. Au reste, nous avons souvent rapproché les dogmes et la doctrine des autres cultes, des dogmes, de la doctrine et du culte évangélique. Pour satisfaire toutes les classes de lecteurs, nous avons aussi touché de temps en temps la partie historique et mystique de la religion. Maintenant que le lecteur connaît le plan général de l'ouvrage, entrons dans l'examen des dogmes et de la doctrine. Et, afin de passer au mystère chrétien, commençons par nous enquérir de la nature des choses mystérieuses.